Big up à la West Coast et à DJ Pro pour la compo. C'est D-E-C-O, de nouveau sur micro, pour la rhétorique du complot. Eh ouais, petit message d'optimisme dans ce monde sombre. Gardez la force, la foi et la patience à la fois. Restons ensemble, soudés. Vivons heureux, mec. Je cherche à oublier l'heure et la définition du bonheur. Je cherche le sens des valeurs, la véritable place de l'honneur. Je cherche que l'esprit libère des souffrances de la chair et de cette déficience qu'est la colère. Je cherche la confiance sans repentance, que nous combinions nos connaissances. Je cherche cette innocence de l'enfance et la pureté de son arrogance. Je cherche le vide, l'espace, le silence. Mais je ramasse des cupides, des rapaces et la méfiance. Je cherche la réalisation de miracles sans aucun doute pour obstacle. Je cherche à infliger à la peur sa débâcle, que plus jamais elle ne me bloque. Je cherche l'évolution de la conscience où la douleur brille par son absence. Je cherche à défier toute logique, parce que la vie est magique. Je cherche la paix intérieure et la fin du règne de l'extérieur. Je cherche la vérité, l'énergie, l'intelligence universelle. Mais je ramasse des pensées, des soucis et des exigences à l'appel. Et ouais, on cherche, on lutte, mais on se perd et on bute. Et on bute. Au final, à quoi bon chercher? C'est naturel, machinal, vouloir lutter. Mais tout est là, disponible. Regarde en toi l'énergie accessible. Car du néant, de l'invisible, peut surgir le tout, voire l'impossible.